Moi, cette semaine, j'ai vu Ils sont partout. Le film d'Ivan Attal s'ouvre sur une réplique bien connue du Marchand de Venise de Shakespeare, je cite « Si vous nous chatouillez, ne rions-nous pas ». L'ambiance est posée car il est exactement question de ça. Cinq siècles plus tard, on en est encore là. Cinq siècles d'électricité, de vaccins contre la rage, de pieds posés sur la lune, de perches à selfie, pour en arriver à devoir à nouveau faire une œuvre qui serait un plaidoyer contre la discrimination. Le cinéaste rassemble autour de sa caméra un casting 5 étoiles, sans mauvais jeu de mots, pour cet exercice délicat qu'est l'introspection. Il parvient l'exploit de ne pas se perdre dans la mégalomanie alors qu'il porte entièrement le film à coup d'intermède chez son psy, où il se pose des questions existentielles, des questions que tous les juifs se posent, et la plus importante d'entre elles, pourquoi ? Ces intermèdes chez le psy rythment le film et sont ultra mis en scène, avec une approche cinématographique très posée et très carrée, contrairement au sketch, à qui il réserve un traitement différent à chaque fois, selon le genre auquel il appartient. On passe donc avec brio du film politique un peu sombre à la satire sociale en caméra embarquée, en passant par la case science-fiction. Ivan Attal veut parfois nous perdre dans le documentaire avec des suivis de personnages avec une caméra à l'épaule et une voix off, mais aussi et surtout avec une mise en abîme de notre monde, de notre réalité. Il nous parle explicitement de Marine Le Pen, incarnée ici par la truculente Valérie Bonneton. Le personnage d'Ivan Attal parle aussi à son psy de sa femme. Il précise dans le film que sa femme est née de père juif. On comprend bien vite qu'il parle de sa femme dans le civil qui est Charlotte Gainsbourg. Mais on nous montre aussi François Hollande en prenant tout simplement un comédien à la limite du sosie qui est Patrick Braoudé. Tout ceci, évidemment, sans prononcer un seul de leurs noms. Le traitement est donc hyper réaliste, mais il nous livre tout de même une comédie absurde, frôlant parfois l'humour des Monty Python. Il y a deux côtés à ce film, mais deux côtés d'une même médaille. Il y a tout d'abord le côté militant évident, on dénonce l'antisémitisme, mais pas que. Le révisionnisme en prend aussi pour son grade dans le sketch très décalé d'un agent du Mossad envoyé dans le passé pour tuer Jésus. On y dénonce aussi les crimes crapuleux, avec une référence assumée à l'affaire d'Ilan Halimi. Le film nous expose aussi la culpabilité que ressentent les juifs à simplement exister. Ce poids, ce fardeau, cette faute, ce nez. Ivan Attal s'en excuse même. On ne peut que rire face à l'absurdité d'un jeu si juste et si sincère quand un homme juif s'excuse au nom de tout son peuple pour une faute fictive qui a eu un effet boule de neige au fil des siècles. Vous l'aurez compris, le ton humoristique du film est bien sûr l'autre côté de cette médaille. Tous les clichés y passent, tous traités avec l'absurdité la plus totale. L'argent, les médias, le communautarisme, ainsi que le devoir de mémoire viscérale vis-à-vis de la Shoah. Évidemment, comme tout film à sketch, il est inégal, mais on retrouve ce défaut même dans les meilleurs films à sketch que j'ai vus, que ce soit dans Paris je t'aime ou encore dans J'ai toujours rêvé d'être un gangster, le chef-d'œuvre de Samuel Benchetri. Ah, Benchetri, décidément, ils sont partout. Film dont le ton est proche, très proche de celui-ci. Paradoxalement, les sketchs que j'ai le moins aimés sont ceux qui contenaient le plus de stars. Enfin, il est difficile d'en avoir vraiment aimé certains plus que d'autres. En fait, il y a des bonnes et des mauvaises choses dans chacune des histoires. Ce sont des films qui mériteraient une chronique chacune, finalement. Des véritables courts-métrages, avec leurs propres défauts et leurs propres qualités. On peut quand même noter une intervention très émouvante de Popek, on en parlait tout à l'heure, qui résonne particulièrement avec sa propre histoire, puisqu'il a bien connu la Seconde Guerre mondiale, malheureusement pour lui et pour sa famille. À la fin, Ivan Attal s'adresse aux spectateurs, aux Français, au monde même. Il brise le quatrième mur, ce qui achève ce film ovni d'être complètement innovant dans notre paysage cinématographique, en plus d'être un pari très risqué. Au final, c'est un film composé de petites histoires dans la grande histoire. Un film à la fois drôle et glaçant, des histoires à la fois absurdes et terrifiantes. On prend conscience que le titre, Ils sont partout, ne parle pas des juifs, mais des antisémites. Ivan Attal finit par poser la question de l'émigration en Israël des juifs de France. Doit-on rester dans ce climat, se demande-t-il. Eh bien moi je vous le dis, tant qu'ils seront partout, les antisémites, moi je ne suis nulle part. Bravo. Merci. Merci Léa pour cette critique.